Et on est parti maintenant pour un live non-stop de Pôle Nord qui commence tout de suite. Let's go. Tu veux pas te lever ? Allez, on se lève. Yeah. Check. Pôle Nord, frérot, je dis que la vérité. Y'a des gens qui souffrent, ils l'ont mérité. Je monte sur mon bateau, sur mon ferry. J'suis pas un descendant, j'suis un héritier. Bah ouais, j'ai passé des journées entières dans le bed. Quand j'fais des couplets, ça les aide. J'enfile mon perso comme un plaid. J'arrive de loin comme Dende. J'suis dans la lignée des Toriyama. J'crie comme quand le gorille a mal tabaco. Sumi ma scène, j'l'arsène. S.O. Arzelato. Mimi Gaitai. Kso watashi wa oni. Taku san ya sai taberu. Sakana no yo ni rap game no naka ni oyoku. Déterre comme à l'armée. S.O.C.P.S. Walking Dead. J'ai des rêves de quarantenaire. Pendant que j'écris, fume des grosses plifs d'herbe. C'est réel, tout ce que je dis c'est réel. Graille les ennemis comme des BN. Je pense à la mif pour OBM. Je veux que mes sons soient en ricain, en allemand et en VF. Avec les sous-titres en japonais. Ouais, je les vois de loin, ils me voient de nul. Par y'a des taches de sang sur le but. Var, je suis dans la serpe ou des pulls. Sale, je glande solo, je suis qu'un musard. Je te voyais mal, je te voyais plus en vie. J'en ai même plus envie. Non, je traîne pas plus en ville qu'en campagne. Les papyrus grandissent, écoute les gens et place les arguments. Je trouve ça amusant. Je sens le monde et son basculement. Tu pollues mes feuilles comme le carburant. Sans dire n'importe quoi. Ça m'apporte quoi ? Rien. Alors je te casse le dos et tu rapportes le foie. C'est tout frais, ça sort du sas, ça sort du réfré. Girateur, moi j'ai les refs à 10 acteurs. T'as pas d'impact, balle à blanc. À chaque rendez-vous je serai pile à l'heure. J'expérimente plusieurs styles musicaux, musicaux. Je me sers d'un mac et de mes cordes vocales. Ils sont tous sur la même route, mais y'a leur engin qui cale. J'ai beaucoup réfléchi avant de recommencer. Je réponds plus aux DM ni aux commentaires. Ils font style, ils se chutent, rapon coco sensé. Je fais de la zik, j'étais pas trop sensé. L'âge des vues, t'auras l'avantage sur la discu. Graille le rap game comme un biscuit. J'arrive de loin dans la city, de beaucoup trop loin comme Mississippi. Le ballon s'envole dans les airs et rapetisse. Au fur et à mesure, mon rap se tisse. Tu te noies dans ma flaque de peace and love. On a fait quelques toffs, on s'est sauvé. J'suis tombé plus sur voie, j'me suis toujours relevé. 6 fois 7, on avance ensemble. On s'est tout le temps tous entre sevrés. On s'est tout le temps tous entre sevrés. On s'est tout le temps tous entre sevrés. 6 fois 7, 4, 2. 6 fois 7, 4, 2. 6 fois 7, 4, 2. Ouais, 6 fois 7, 4, 2. La lune n'a pas la vie facile, elle est pas pareille que les autres planètes. La lune n'a pas la vie facile, elle est pas pareille que les autres planètes. Yeah. Ska. Ska. Ska. La lune n'a pas la vie facile, elle est pas pareille que les autres planètes. Mais quand je l'aperçois, c'est si magique, j'ai du mal à me montrer ses autres facettes. La lune n'a pas la vie facile, elle est pas pareille que les autres planètes. Mais quand je l'aperçois, c'est si magique, j'ai du mal à me montrer ses autres facettes. Faut que ma lune s'allume, faut que ma lune s'allume, ma lune. Faut que ma lune s'allume, faut que ma lune s'assume. Faut que ma lune s'allume, faut que ma lune s'allume. Faut que ma lune s'allume et faut qu'elle s'assume. Je me vois déjà dans mon bientôt, gros j'ai des symptômes. Je suis tombé sur un os, ensuite sur un lingot. Tout ça veut dire que l'acharnement paye. J'ai rien de dingo, je me vois mal payer mes impôts. Donc je vais faire du cash, je vais faire le taf. Je vais pas niquer de gâche, je les gifle de basse. 1, 8, 0, 3, 2, 7, 6, 2, 4. Je vois la lune sur un ciel noir, je pense à toi H24. Nous contre, rien que ça les graille comme un gratin de pâte. Je suis triste, y'a des gens pas sympas. La vie met des coups bas, c'est normal. J'encaisse des chèques et des tornades devant froid. De messe basse, il me faut des gens droits, de l'espoir. Si il neige gros, je sors pas. La lune n'a pas la vie facile, elle est pas pareille que les autres planètes. Mais quand je l'aperçois, c'est si magique. Du mal à me montrer ses autres facettes. Fauque, ma lune s'allume. Fauque, ma lune s'allume. Salut, salut. Faut que ma lune s'allume et faut qu'elle s'assume. Ma fenêtre donne sur un immeuble gris. Du coup je suis allé dessiner un ciel. J'aime bien quand y'a des rimes et un thème. Pendant que j'aille qui sont allés plier un terre. J'ai visqué un uppercut. J'fais rien d'autre que des super cuts. Cut. Fuck un tombeau, j'veux juste un beau gueta sur le cercueil. La lune elle est haute dans le ciel. Fuck les grosses tempêtes. Il faut que le beau temps revienne. Trop le temps passe depuis le tout début. J'me suis dit qu'il y avait sûrement du potentiel. Du fond de la classe, j'suis en faire fondre à la glace. Fuck les autres, c'est quand qu'on s'attrape. J'sais pas si c'est moi, mais depuis quelques semaines, j'fais des sons bâtards. La lune n'a pas la vie facile. Elle est pas pareille que les autres planètes. Mais quand je l'aperçois, c'est si magique. Du mal à me montrer ses autres facettes. Fauque, ma lune s'allume. Fauque, ma lune s'allume. Salut, salut. Fauque, ma lune s'allume. Et faut qu'elle s'assume. Dors sur une épaule, je me vois déjà dans un tourbus. On communique plus avec arrière qu'un texto. T'es mal à la société actuelle. Fuck les tailles, ils sont prêts à tout pour tes pesos. Et putain de faux, c'est précis. Ma plume et mon pinceau sont si précis. Je fais pas exprès si ça crazy. Quand tu me vois, j'espère ça te fait plaisir. La lune a des yeux marrons. J'en parle chaque soir à mes deux darons. Elle est tellement bien faite et tant fière qu'elle soit authentique. Parmi tant de contrefaçons. La lune n'a pas la vie facile. Elle subit les journées et elle vit la nuit. Malgré les obstacles, elle avance. J'aimerais qu'elle vive ma vie. La lune n'a pas la vie facile. Elle est pas pareille que les autres planètes. Mais quand je l'aperçois, c'est si magique. Du mal à me montrer ses autres facettes. La lune n'a pas la vie facile. Elle est pas pareille que les autres planètes. Mais quand je l'aperçois, c'est si magique. Du mal à me montrer ses autres facettes. Fauque, ma lune s'allume. Fauque, ma lune s'allume. S'allume, s'allume. Fauque, ma lune s'allume. Fauque, ma lune s'assume. Fauque, ma lune s'allume. Fauque, ma lune s'allume. S'allume. Faut que ma lune s'allume et faut qu'elle s'assume. La lune n'a pas la vie facile. Elle est pas pareille que les autres planètes. Mais quand je l'aperçois, c'est si magique. Du mal à me montrer ses autres facettes. La lune n'a pas la vie facile. Elle est pas pareille que les autres planètes. Mais quand je l'aperçois, c'est si magique. Du mal à me montrer ses autres facettes. Radio Dio. Paul Nord au concert. Obligé de se faire connaître, obligé de sortir du trou. Yeah. Obligé de se faire connaître, obligé de sortir du trou. Tu peux faire un heureux avec un euro. Difficile d'être honnête. Obligé de sortir du trou. Obligé de se faire connaître. Yeah. Hein. Obligé de se faire connaître. Obligé de sortir du trou. Tu peux faire un heureux avec un euro. Dans un monde rempli d'escrocs, difficile d'être honnête. Obligé de se faire connaître. Obligé de sortir du trou. Tu peux faire un heureux avec un euro. Dans un monde rempli d'escrocs, difficile d'être honnête. Depuis petit peu j'ai toujours su rester focus sur mon PC. Sur les mystères non résolus. Tout pour les pesos. Non moi je me suis dit dès le début. Tout pour la culture, faut que le rap évolue. Le dealer te fournit un tas de cheats. La pharmacie donne des tas de médocs. Je peux pas répondre, je suis en casting. Et juste après je fais des casse-têtes. Putain quand je rappe c'est fort. Y'en a qui cassent les codes et y'en a qui agissent. Je suis là pour parler des faits. Dans mon équipe y'a que des riches. En rime, j'accepte tout à part les défaites. Rapper, je le fais pas gratuit. Peut-être que je le fais pour un iced tea ou pour les pépettes. Fuck un jaloux, vive un riche qui réussit. Je vous envoie chez vous, allez puer des fesses. Obligé de se faire connaître, obligé de sortir du trou. Tu peux faire un heureux avec un euro. Dans un monde rempli d'escrocs, difficile d'être honnête. Obligé de se faire connaître, obligé de sortir du trou. Tu peux faire un heureux avec un euro. Dans un monde rempli d'escrocs, difficile d'être honnête. Vous allez puer le seum, vous allez puer la gueule. Yeah, rien que ça en caisse. Gérald un 16, ils ont fumé 5 puffs. Ça donne la haine et l'envie de tuer un keuf. MC Paul Nord, tout le monde sait que je les époustoufle. Ils sont essoufflés, car je les étouffe. Tous vous me laissez pousser, je serai bientôt un père pour vous. Je traîne avec des grands, je traîne plus avec des bons. Fait que non, je traîne pas, car les gens picolent. Putain, ma mère m'appelle pour graille. Non, je rigole. Je continue dans ma lancée, je vais les faire danser. Mes punchlines sont putain, c'est insensé. J'ai un cousin en ville, j'ai un ref en campagne. J'ai un zin dans le shit, j'ai un zin dans le blé. Obligé de se faire connaître, obligé de sortir du trou. Tu peux faire un heureux avec un euro. Dans un monde rempli d'escrocs, difficile d'être honnête. Obligé de se faire connaître, obligé de sortir du trou. Tu peux faire un heureux avec un euro. Dans un monde rempli d'escrocs, difficile d'être honnête. difficile d'être honnête. Difficile d'être honnête. Dans un monde rempli d'escrocs, difficile d'être honnête. Obligé de se faire connaître. Obligé. Paul Nord, Ramzed, yeah. 2K25. Hein? Check. 2K25, je reprends les commandes. Les nouveaux MC sortent des EP de deux sons. Mais comment ça? SO au mieux faut du beau temps. Même quand il passe, je les regarde pas, c'est comme Koh-Lanta. Posé sur le trône comme un duc, j'ai de la turpin sur le visage. Les vois de loin sur le rivage. Marche, j'attends pas le tirage. Graille la concu comme un tuc. Il suffit de deux sprays ou d'une feuille et un stylo pour que je sois souriant. Si je deviens riche, dis rien à personne, je paye des habits à 100 fois 12 migrants. Beaucoup de frérots partis soutisent. Beaucoup de gens qui soupirent, routinent ou qui croupissent. Voulant mourir, tout ça croupit. Yeah. Je laisse faire les jaloux, on remet ça pour plus tard. Vous êtes tous tombés dans la boue, c'est vous avons, on verra qui finira dans le buzard. J'achète pas de finita gada, au bar tabac. J'écris mes textes au skinny banana. Donc skinny j'arrive comme banana. Un missile à Damas. À Damas. Donc j'arrive comme un missile à Damas. Hein, à Damas. Bonheur, bonheur. On part sur du boom bap à l'ancienne. Yeah, hein, check. J'suis sur une route pleine de lambeaux, mais moi je suis en Corolla. J'sors un soir d'hiver, je vois mon reflet dans un gros molard. T'as perdu l'odorat, Corona. J'suis ultra frileux, j'viens de passer deux semaines dans un quartier de Bogota. Tôt ou tard, j'viens les déchirer comme la lue autour du chocolat. Une Rolls Royce, ça se fait en 6 mois. Pas les couilles, ça me va de prendre une Toyota. Nouvelle en chinois, j'suis pas fait pour me battre, mais j'peux argumenter sur les gros quotas. 3 ans de solfège, Ralph Lolo comme un golfeur. Cortège, j'attends que ça tire sur le flotteur. Est-ce que j'suis dans le thème? J'crois pas, j'fais pas ça pour les antennes, ils veulent tous faire du son, mais ils sont rapta. Coke Sky, no style, gros style. Tout le monde veut fit le Nord Pole, mais moi je n'ai pas trop le time. Dans ce monde y'a trop de bâtards, trop de batailles. J'sais pas ce qu'il y a de mieux entre un Coca-Cola et un Coca Light. Nous contre eux, et puis fuck le système. J'suis dans une voiture pleine d'essence, sur une route en feu. Mais j'continue d'avancer en espérant. Dur de rêver sans effervescent, j'vois des mésanges grignoter mes cendres. Si j'monte à bord, j'm'engage à faire du son de bâtard. Les profs me trouvent un peu feignant, peut-être qu'ils ont pas tort. J'fais jouir vos oreilles quand je siffle cette mélodie. J'fais pas des sons de lover, j'te fais des petits refs. J'te fais des petits refs. J'espère que vous êtes là pour Paul Nord, Saint-Etienne. En tout cas, vous êtes sur Radio Dio. 6 x 7, 4, 2. 6 x 7, 4, 2. 6 x 7, 6 x 7, 4, 2. 6 x 7, 4, 2. 6 x 7, 4, 2. 42 représente, let's go Saint-Etienne. Hein, check. Hey yo, c'est comment? J'déboule sur le beat comme une avalanche. Avalanche. MC Paul Nord, j'plane, j'suis en parapente. Parapente. Check, j'suis mal sapé, un peu comme la voyante. Mais bon, les bonnes personnes ne jugent pas à l'apparence. J'écris des lyrics sur mes cahiers, le rap game sur une voix ferrée, j'le fais dérailler. J'suis solo dans ma bulle sur ma ligne droite. Ma punch est violente comme à Stalingrad. J'surpasse des MC, j'vise pas le Bercy. Mon père mettait du B2O pour me bercer. Demande pas pourquoi, j'suis numéro 1 de l'hexagone. Vénère comme Vegeta, y'a du piment dans mes atomes. Frérot, j'passerai pas à la télé. Test pas le 6x700, finira télé. Et yo, c'est comment? 4 de déter comme les Ottomans. J'veux du Don Dada, j'veux pas que les potos mentent. Je veux pas que les potos mentent. Je veux du Don Dada. 6 x 7, 4, 2. 6 x 7. Ok, check. Paul Nord dans tes bafous sur un wall car. Paul Nord dans tes bafous sur un wall car. J'ai des grosses cartes, bande de taux car. C'est jamais trop tard pour sortir un hit ou pour cartonner la street. Ça fait mal de voir ce monde, c'est la vie comme quand tes potos se barrent. Pas de chance, trop de karma. J'ai une spray can dans ma grosse parking. J'détruis 2-3 MC au fat caps. Chacun sa route, chacun son end style. J'ai mis 2 balles dans ta tête, j'ai mis 5 balles sur mon PayPal. Pour aller jouer rave des marqueurs, c'est hardcore. Les rues de ma ville, je les connais par cœur. J'suis rare comme un rappel, une de chat. Il rénove tout, j'vous gueuf ta. Paul Nord, c'est couplé, panel et gueuta. Travail, travail, travail, panier, piano. J'démonte des prods, mais j'suis pas mécano. Les MC me regardent et se posent un tas de questions. J'gratte des textes, toi tu grattes des fions. J'passe des partitions aux répartitions. Je passe des partitions aux répartitions. Frérot, si jamais j'abandonne mes zik, c'est que je suis mort ou que j'ai pris des pics. Moi, soit je kick, soit j'empile des briques. On veut ce qu'il est flic. SOTR et le big dash. Et ouais, je paye mes dédicaces. Je graille le rap game comme une pistache. Avec les poteaux dans la ville, même quand les lampadaires n'ont plus de piles. Je place un gueule d'âme, mais je suis furtif. Je suis resté kiblo en 90, mais je suis quand même dans le turf. Je te fais un 16 si t'insistes. J'ai connu des traîtres et des traîtrices. Les hommes en costard ont des traîtrises. Je place mes rimes comme dans Tetris. Y'en a qui ont plein d'affaires, y'en a qui font plein d'affaires. Je suis désolé, MC Paul Nord n'en a rien à faire. Ça avance tout doucement comme une limace. Je suis méchant, je les regarde de loin, je leur fais des grimaces. Mais c'est pas de ma faute si je rappe de l'or. Mets-toi bien ça dans la teuté. Mon nom c'est Paul Nord, je fais les tubes de l'été en hiver. Je gratte mes lyrics avec le bec comme un piver. Même si j'endure, j'ai l'esprit de faire. Fuck l'organisation, j'arrive sans prévenir comme un petit frère. Je fais les tubes de l'été en hiver. Je gratte mes lyrics avec le bec comme un piver. Même si j'endure, j'ai l'esprit de faire. Fuck l'organisation, j'arrive sans prévenir comme un petit frère. On est dans le 4-2, pas dans le 9-3. Je suis précis, je tiens ma plume avec 9 doigts. Mais on est plein à vouloir s'adresser. Dis pas que t'es une merde, t'as fait aucun essai. À comment chaque je peux caresser. Je crois qu'ils ont pas compris, on les a déclassés. Viens nous faire la morale dure par les pieds cassés. J'ai quelques casseroles qui me suivent depuis mon bas âge. Tu me connais Ramzed, je pars trop loin sans faire mes bagages. Et ouais les gars, je tiens à vous remercier. Je me fais vieux comme Valérie Le Mercier. Il faut que j'atteigne le zénith et le Percy. J'ai plus rien à dire à part de la merde et un grand merci. Et ouais les gars, je tiens à vous remercier. Je me fais vieux comme Valérie Le Mercier. Il faut que j'atteigne le zénith et le Bercy. J'ai plus rien à dire à part de la merde et un grand merci. Je fais les tubes de l'été en hiver. Je gratte mes lyrics avec le bec comme un piver. Même si j'endure, j'ai l'esprit de faire. Fuck l'organisation, j'arrive sans prévenir comme un petit frère. Je fais les tubes de l'été en hiver. Je gratte mes lyrics avec le bec comme un piver. Même si j'endure, j'ai l'esprit de faire. Fuck l'organisation, j'arrive sans prévenir comme un petit frère. Comme un petit frère. Paul Nord 895. Hein. Balèque des Panamera dans le panorama de synthé. Je passe ma vie dans mon home studio comme dans un coffre blindé. Demande pas pourquoi je suis trop loin dans mes bails. Je suis dans le turf, j'ai déjà dépassé les 21 miles. Je passe les journées, j'entends le tic-tac. Rouge les nique tous car j'ai des punchlines dans mon East Pack. Je rappe en même temps, je révise pour le brevet. Et quand je tire avec mes mains, je tire pas pour de vrai. Je place un tag au baran. Différent des autres comme Barack Obama, trop rôde à vos taf en cropin que t'as sur tout le panorama de ma ville. Trottoir dégradé, des lettrages effacés. L'express se vide. C'est pas que c'est pas sec, mais ça fait que 5 minutes qu'on est passé. Sors tarim, fuck marine. À ceux qui dorment tard, sors pas. Fuck les hardcores, prêt hors tarif. J'ai un bon lexique, ta gosse à l'excite. Je réponds la crasse avec Rinov, Paul Nord et Ezid. J'pose mon place devant chez toi, maintenant tu sais, Kramz, c'est moi. Signature en intrait, rap en impro, tu parles chinois. De la rue, j'suis le roi. Yeah, j'viens pour mitrailler des rimes. J'vais te manger comme si j'graillais des rimes. Périm et 6 mois. J'ai un bon lexique, ta gosse à l'excite. Je répands la crasse avec Rinov, Paul Nord et Ezid. Répands de la saleté, c'est sale, t'aimes, c'est ça que t'aimes. Tache de peinture sur mes sables, j'rappe dans des salles pleines. Je fais de l'art pictural, je lâche des pics durables. Plus de peinture, je pique du rap, j'ai la technique du rap. Mon nom à moi c'est Ramzed. Guette les couleurs, addict à l'encre et ses couleurs. Soiler et Rams ont fait du rap. Coupe les frappes, c'est le coup durisé, c'est rectifier le tir, d'éviter le pire. On en veut qu'à ceux qui ont présidé le cirque. Tu vois que mon point est sur la kill cam. J'kiffe grave, tu rouges dans la rétine, les interdits, j'brave. Rien à perdre si j'crève, j'baise le système. J't'agrée ton nom si j't'aime. Sous eux, je me fais pister. Sous eux, je me fais pister. Paul Nord, Ramzed. Yeah. J'ai un bon lexique, ta gosse à l'excite. J'répands la crasse avec Rinov, Paul Nord et Ezid. J'ai un bon lexique, ta gosse à l'excite. J'répands la crasse avec Rinov, Paul Nord et Ezid. J'ai un bon lexique, ta gosse à l'excite. J'répands la crasse avec Rinov, Paul Nord et Ezid. J'ai un bon lexique, ta gosse à l'excite. J'répands la crasse avec Rinov, Paul Nord et Ezid. Vous êtes chaud? À fond, à fond. Le Zénith vous écoute. Hein, ça fait kick bass dans ta face. Souffle l'oreille, t'entends qu'on tabasse. Les nouveaux MC sont bons, seulement quand ça parle de flingue stupé caisse. J'que t'as mon blast sur tes fesses. J'me dis à zut c'est guest et je recommence. Je me dis à zut c'est gaze, je refais. Rendez-vous à 14h, on va avec ça chez le refrain. Pas besoin de matos, on fait avec un mic, une carte son. Pas besoin de fut la cause, gros je sors en caleçon. Je tourne en rond dans mes putains de lyrics, faut que change le rap est mort. Je fais masse d'efforts mais je m'arrête pas car je suis pas encore assez fort. Je tac des portes, Charinov c'est assez gore. Je place un tag au gros fat cap, Zoiler get et me dit quand y'a les ports. Tape mon 5 si t'aimes le boom bap, si t'aimes les minots qui rappent à l'ancienne. Avant de parler gros je me renseigne. P-O-L-N-O-R, pas de BR quand je kick, ça fait effet de poète pour mes collègues. Et si t'as gay spoer, ça fait kick bass dans ta face. Souffle l'oreille, t'entends qu'on tapasse. Les nouveaux MC sont bons, seulement quand ça parle de flingues stupéfiées. Que t'as mon blast sur tes fesses. Je me dis à suite c'est guess et je recommence. Odeur de peinture dans l'appart, tu vois que mon blast sur la carte. Je m'en branle de ce que t'en penses et j'écris mon nom sur ta porte. Je m'en tape de si t'apprécies. Ici le rap est précis. Faut augmenter les décibels, je te lâche un 16 agressif. Mais une instru et ça dégénère, je mets mon nom sur un TGV. J'ai tout juste 18 piges mais je sais déjà où je vais. Je réanime le rap, yeah. Ces clones ils le ratent. Mon nom c'est Rams, fuck l'étape. Pas le développement durable, ça fait kick bass dans ta face. Souffle l'oreille, t'entends qu'on tabasse. Les nouveaux MC sont bons, seulement quand ça parle de flingues stupéfiées. Que t'as mon blast sur tes fesses. Je me dis à zut c'est guess et je recommence. J'suis sur le crassier, gros j'dégrade vos gratte-ciel. J'crache mes rimes au mic à la big eye, j'ajoute mon grain de sel. Mon nom c'est Ramzed, tu vois ma tête à chaque scène. La ville j'ai tous les accès, dans le grinder c'est mon vaccin. Chier, meilleur que toi, j'ai même pas le vaccin. Alcool et shit, j'suis pas un mec sain. Ouais, j'suis pas un exemple, j'ai les bombes, j'ai pas besoin de médecin. Peinture thérapie, j'fais du RAP, j'fuck les maîtres chiens. J'ai grandi dans un trou à rat, gros j'le fais pour mon crew. Manche retroussée, j'ai le flow, le groove, laisse-moi le prouver. Arrête ton brouhaha, écoute le crew à Rams, j'ai trop à raconter. Le pur à m'a comblé, la vie j'ai trop la rage. J'ai la formule, j'ai la recette, j'fais du rap, j'fais pas du recel. On dirait que j'suis programmé, haché peinture, j'suis trop cramé. J'suis un vandal, pas un rebelle. Quand y'a Ramzed, lâche le chrome ici à Big Eye, bah j'suis le premier. Fuck la flicaille, ouais tu connais, j'me présente MC Paul Nord Akira. 16 piges, pas d'inspire, les sous partent et les teint speed. J'suis venu pour casser les codes et les clichés. On arrive comme la goutte qui fait déborder le pichet. Ramzed, comment ça va entre les trains et les 16? T'écris tes textes à la Montana. SO, DME, SASDM, KBTR, OTR, KST, DSL, on pose nos couplets sur les murs. Et putain, c'est violent, on est le duo de 90. Old school, c'est unique. C'est qu'un putain de fit et j'arrive discret comme tu débris sur l'étoffe comme Fury. On est trop bon, même pas besoin de tweeter. J'écris des lyrics et des dictées. Les sables part sont édictés, on est cool, pas besoin de nous éviter. C'est le bordel, S-O-K-N-X, balèque du bis. Prends même pas les disques, on fait ça pour le plaisir et pour vendre des disques. P-O-L, N-O-R, R-A-M, Z, R-A-D-I-O, D-I-O, 895. J'suis pas un cas d'école, j'finirai pas comme tous ces cols blancs. Ils veulent le blé mais ne veulent pas faire la récolte. Jeunesse révoltée, plus personne ne rigole. On cherche la vérité, une terre en feu, c'est tout ce dont j'ai hérité. R.A.P, rien à perdre, ouais c'est terrible. Tout est raté, rien à faire, j'longe le péril. J'pars à la dérive et j'réponds plus à l'appel. J'creuse ma tombe à l'appel, frère, en attendant que je guérisse. Ni dieu ni maître, j'tag le périmètre, j'attaque le périple, j'rappe la claque est terrible. Y'a mon blas sur 7000 frettes. Ils parlent de méritocratie, ils ont des héritages de fous. J'les vois d'en bas comme si un hélico passait. Fuck l'élite haut placé, j'aime le rap au passé. J'essaie de rester debout sur mon radeau cassé. La haine a sali nos pages, dans l'eau bouillante j'fais naufrage. Lucide pour nos âges, écoute le message. Underground j'descends d'un dans étage. Dans ma sacoche sans que marre, y'a des cœurs marre. Y'a des sticks bro, jamais trop tard pour un petit traumé. J'tiens ma spray, pas des pistolets. Mes potos, j'vais les pistonner. Ça fait Pôle Nord dans tes oreilles. Le rap, ça paye pas. J'viens de dépenser tout un cachet dans un pull Obey. Pas des grosses sommes, gros c'est l'inflation. Gros c'est l'automne, j'sors, j'mange une grosse porte. T'es mal flot de porc, t'es mal flot de bâtard. J'balance des boules de neige et de la burrata. Putain, paix pour Gaza. Où va le monde, où va le rap? Cherche pas la demeure, j'traîne avec Chewbacca. Gros, je sors sous Baran. J'roule en skate, pas en Subaru. En apnée dans la quad load, comme un sous-marin. Tout terrain, y'a la conclue sous ma roue. J'suis pas un cas d'école, j'ai des refrains, pas des potes. V'là l'époque de bâtard, le monde nous casse dans des alvéoles. Le monde nous casse dans des alvéoles. Paraît que la vie c'est cool alors que la vie s'écroule sous mes Air Max. Trop de mythos, les sourires sonnent tous faux comme des Rolex. Frérot viens, on se casse d'ici, faut qu'on se relaxe. J'ai de la haine dans le ventre mais grâce à ça je fais des beaux textes. Je veux pas que ça me consume, je veux que ça brûle dans mes rimes frère. J'ai mangé le rap gros, j'ai des ulcères. MC Paul Nord prend le dessus en venant pisser dans vos litières. J'ai 16 balles mais je rappe déjà pour nos petits frères. Car c'est eux que les portes tapent. Putain, ils ont le port d'armes où oui, les corps frappent. Pour une couleur ou une origine, pendant que les autres MC comparent leur cross ici. Moi je rappe en faisant des homicides à domicile. Je place mon cut au fat caps. Chaque lyrique c'est une patate dans 4 faves. Donc viens pas raciser nos reflets. Vous rappez pas pour de vrai. MC Paul Nord agira, j'ai pris le rap au premier degré. Je lâcherai jamais, je le fais déjà depuis des années. Vous racontez tous des âneries, j'ai les bombes, je vais vous désarmer. Je place un tag, je fais sa fille, ça je reste serein. Je garde mon blaze intact, je remets de l'encre dans la seringue. File comme un film, je perds la raison, je perds le fil. On baisse le système, on cherche les failles, nous on fait pas la file. Je mets mon nom dans ma ville, gros c'est jamais fini. Je tourne en rond avec mon vélib à la recherche de la vérité. Y'a pas d'histoire, que des péripéties. Si tu perds, c'est que c'est mérité. Je me taille et je fais que dériver, ils font que des rimes à B à B. Nous on dit ACAB. Je répands la crasse dans des rues déjà délabrées. Je descends d'un étage, je remplis là les pages vides. Les mains dans les poches, m'incruste, j'ai pas besoin de tes places VIP. J'ai les bombes, je monte au casse-pipe. Tourne en rond à chercher l'inspi, j'écris dans le dos de l'inspi. Ils font des rimes à BAB, nous on dit à CAB. Ils font des rimes à BAB, nous on dit à CAB. Ils font des rimes à BAB, nous on dit à CAB. Je répands la crasse dans des rues déjà délabrées. Ils font des rimes à BAB, nous on dit à CAB. Ils font des rimes à BAB, nous on dit à CAB. Ils font des rimes à BAB, nous on dit à CAB. Je répands la crasse dans des rues déjà délabrées. Assez habillé sur le 8-9-5, on arrive à la fin du live de Paul Nord. Dernier son qui enchaîne. J'kick fort, j'tire mes punchlines au pistolet. Une spray en guise d'honneur, ils grattent mes sticks collés. Les haineux me font rigoler, de toute façon ils finiront tous jetés dans les buissons comme un jogging volé. Ah merde. Ça sent le pull-up là, non? En fait, c'est un pull-up, c'est parce que en fait le son il est dans le set, mais c'est un feat avec notre pote. Ah, et vous avez un pouce. Il est pas là. Il a dû se retrouver dans le set ouais, par vous hasard. Vous pensez? Je la remets en entier? Viens, on peut la remettre, on fait chacun un couplet au pire. Vas-y. Allez, let's go. On allez, let's go, pull-up. Tu commences, je commence. La police tue, c'est clair, être dans ma bulle, c'est faire. Je n'écoute pas la haine qu'il véhicule ma ville, je l'éclaire. Tout est gris, on dirait que j'hallucine. Je connais le scénar comme si j'ai déjà vu le film. Je sais que je me perds, gros faut s'extérioriser. C'est la peinture que je visère. Prenez votre gros billet et laissez-moi tranquille, monsieur le commissaire. C'est qu'une tache d'encre à sa place, une peinture sur une façade. Hein, laissez passer, je me remets dans mes baskets. Mon seul moyen d'extérioriser, c'est d'appuyer sur le caps de la Dupuis Colors. J'ai un katana sous mon kimono. Je ris trop fort, monsieur l'agent. J'bois rien d'autre que du sirop d'eau. J'm'isole au fin fond d'une ruelle sombre. J'fais des prods de merde. Clic droit, suppression. T'as une autre pièce, ça va te perforer le fion. Flicaille, sous pression. Face au maître, dépôt de peinture et de la conjugaison. J'suis en prison, mais y'a pas de serrure. Tout est gris, nous on veut pas de ces murs. Beaucoup de violeurs, à skip, y'a pas de cellules. Nous, ce qu'on fait, c'est bien. Toi, quand tu rappes, c'est nul. De bras amputés, fin d'inspi quand j'arrive en butée. Dans le poté de la ligne 12 à la ligne verte. J'ai échoué, j'ai aiguisé, mais là ma perte gros. Yeah, j'kick fort, j'tire mes punchlines au pistolet. Une spray en guise d'honneur et gratte mes sticks collés. Les haineux me font rigoler, de toute façon ils finiront tous jetés dans les buissons comme un jogging volé. J'kick fort, j'tire mes punchlines au pistolet. Une spray en guise d'honneur et gratte mes sticks collés. Les haineux me font rigoler, de toute façon ils finiront tous jetés dans les buissons comme un jogging volé. Paul Nord, featuring Rams, sur le 8-9-5 de Radio Dio. Yes! Je crois que le public en veut encore, non? Ouais, c'était un peu foireux, mais on va enchaîner, on va essayer de rattraper ça. C'est quand même bizarre que vous ayez oublié que vous étiez pas trois. Ouais. Vous voulez rattraper ça, du coup? Allez, bah, on a choisi des petites prods sur le net, et on va essayer de poser des couplets. On commence par n'importe quel boom bap, du coup? Allez. Allez. Attrape. Non, un dernier, attrape. Vas-y. Allez, c'est parti. Allez, vous allez avoir... On va voir comment vous freestylez du coup. Hein. Je maîtrise l'art oratoire. Hein. Yeah. Hein. Je maîtrise l'art oratoire. Stylo, terre, laboratoire. Marqueur, horodateur. Shit, odorant tapant. Défenseur, joue l'attaquant. Tu veux ses pères, mais là t'attends. Terre dans la bouche, mais là t'as tort. C'est l'hécatombe, c'est la catastrophe. Suffira de catastrophe. De figure de style. Éloquent, je débite, je suis une figure hostile. Un monstre, hostile au bic. Le maître des lettres, mes textes sont nets. Déteste mon être, mon existence, mon épicé. Mes textes ont de la consistance et sont épicés. Des textes épicés, une âme déguisée. La lame est aiguisée pour celui qui balance déguisé. Le ton monte et la prod aussi. MC Paul Nord crocodile. Sur mes ennemis j'ai des gros dossiers. J'ai des gars qui me mettent au cosy. Mon flow a trop grossi. Ça vient flinguer le game. Viens de vos MC en nécrologie. MC Paul Nord toujours chaud. Même en période de gel. On m'a trouvé dans une poubelle. Pas dans une pelote de laine. Grossi hardcore. J'ai de l'encre dans la bouche. Dors sur scène. Je rappe à table. Et je chante sous la douche. La concu. Sous mes fausses TN. Tout ce qu'ils font. Gros je sais faire la différence. C'est que j'écris mes lyrics sous des beaux ébènes. Car leurs flows sont postiche. Donc 42 mon code postiche. Le rap mon fils adoptif dans les bails de cercle et de pyramide. J'graille le rap ça fait des vitamines. J'vis ça vite fait dans ma chrysalide. Rime facile, kick pas j'm'y mets t'es mal à dynamique. Il tire à carabine pleine mais son coincé sur le Titanic. L'ascenseur social est en panne, j'suis coincé dedans. Rares sont ceux qui réussissent, soit une pincée de gens. Mais j'ai pas cette chance, accorde-moi cette danse. Écarte-moi de mes pensées sombres. Seul avec mon carnet, au sol sur le parquet. J'écris, je pense, il se fait tard mais je continue. Le compte est vide, le calepin est plein. L'encre de mon bic s'écoule, sous le shit je me plains plus. Force à ceux qui disent que la vie s'écoule, alors que la vie s'écroule sous mes yeux. Et je suis saoul sous les cieux. La foule résonne, m'attends, je veux rester seul. Je m'éteins, je veux rester seul, tout va tant. Check le son, c'est Paul Nord. MC hors norme, c'est pas normal. Katana dans le cartable, rien n'est formel. Ça fait un bout de temps qu'on s'était pas vu. Nous on kick salement pendant que les flics font des bavures. 4, 2. Chez nous la haine elle est mieux. J'ai toujours pris exemple sur mes aïeux. Pendant que tu les smokes, moi j'écris sur tes yeux. Feu, souviens-toi bien de moi. Le dépêche-leur des rappeurs couilleux. J'ai la plume d'une autruche, mets la main d'un samouraï. J'te mets un sabre dans la tête, la tête dans le sable. Y'a des marchands de bleu ça. Des fois y'a même de la poudreuse Nancy. Du pila au peu ça. Du pila au peu ça. J'ai du pila au peu ça. Elle est encore longue la prod ou pas? Encore 20 secondes. Ah. Vous voulez qu'on enchaîne? Allez, on enchaîne sur la deuxième. On enchaîne. Deuxième boom bap du coup, l'école du freestyle d'argent, l'école du freestyle d'argent, j'ai dit wow, avec Rams au freestyle et Paul Nord au freestyle, deuxième type bip en hommage à Griselda. Je vois pas le sommet, ni le soleil. Je suis sous Jack, j'ai la sommeil. Substance illicite pour nous médicinale ou pour nous assommer. J'ai tous les as en main. Gros, il m'écrase en vain. Chez nous, pas d'heure pour faire le 420. Je salis ses ruches, ses vies, ses rues. D'ici, ses vies sous risque. Pour nous, la ville n'a pas de serrure. La police perd toujours nos pistes. Ici, c'est nous contre eux. Ici, on fait du mieux qu'on peut. La concu sous mes bulles d'air. Je laisse pas des balafres, mais des ulcères. Des tags à l'acide pour attaquer ma cible. Mon nom, c'est Ramsey, tu le sais. Tu captes le délire comme si t'as la fibre. Je vole des sprays à l'étalage. Nous, c'est l'arpa, les calaches. Non. J'foque l'état, toujours un Rams dans les barrages. On reste en décalage, j'laisse tomber ta mage. Ce qui te manque c'est le panache. Ouais gros faut que t'arraches le sample. Faut que ça crache le sang, mon fils gros c'est le canap. Yeah, état d'âme de cancre posé sur le canap. J'vois l'attaque de l'encre exploser sur la nappe. Y'a trop de Rams Z sur la map. Sur la A7 sur ta rame. Sors ta rime, y'a même un Rams Z sur ta rame. J'vois pas le sommet, ni le soleil. J'suis sous Jack, j'ai v'la sommeil. Substance illicite pour nous médicinale ou pour nous assommer. J'ai tous les as en main. Gros, il m'écrase en vain. Chez nous, pas d'heure pour faire le 420. Mon nom c'est Paul Nord. Si t'avais toujours pas compris, pas retiens compris. Bien ça. Toutes mes quêtes, je vais les accomplir. Les accomplir. Je suis pas au calme. Pour perdre mon temps, j'ai pas l'occasion. MC Paul Nord Akira, énervé même quand je suis trop calme. Tokyo synthé, je me sens comme un colis dans la soute. SO King Cops, SO Jean-Marie Massou. Je me déplace uniquement grâce à une catapulte. MC Paul Nord, je suis trop froid, je suis en parachute. Plus de verre dans mes textes. Au bout de ma canne à pêche, vas-y test gros. Moi je te dis que c'est pas la peine. Dans tous ces gamins qui rappent, je suis le seul qui le fait à fond. Les gars vous sortez de la cave, j'ai déjà touché le plafond. Je fais des prods depuis que j'ai 9 piges. Je cueille mes mots comme des cerises. Je te paye un 16 en 2 spi. Pourquoi tu rouspètes, je mange le rap game dans une poubelle. J'enterre la prod et en même temps je lui mets des coups de pelle. Je lui mets des coups de pelle. Let's go, on peut enchaîner sur de la trappe. 8-9-5, Radio Dio, Paul Nord et Ramzet, dernier freestyle de la session. J'espère que vous vous ambiancez chez vous. On va enchaîner sur un dernier time beat et on va essayer de voir comment, à quelle vitesse ils arrivent à lire leur téléphone ces gens-là. Hein, J'aime aucune des quatre saisons. Meilleur que toi pour un tas de raisons. J'passe mes journées à errer, à sonner, à voler comme si j'avais pas de maison. J'aime aucune des quatre saisons. Meilleur que toi pour un tas de raisons. J'passe mes journées à errer, à sonner, à voler comme si j'avais pas de maison. Ma ville c'est le 4-2. On fume la résine s'il y a pas de bœuf. J'me dis que j'suis le meilleur, tu te dis que t'es pas le pire. J'pars en yoku, faut que j'me calme. Ouais, je pars en vrille. Ma mère s'inquiète si je suis pas rentré. Mon état empire, mais j'ai du talent. Toi, tout ce que t'as, c'est le bras long. Jamais tu toucheras le ballon. On en a goûté des phalanges. Le rap dans ma vie, c'est bien plus qu'une parenthèse. Tu vois mon blast du guisé jusque tarentaise. Si je disparais, y'en a, ça les arrange. Hein, y'en a, ça les arrange. Y'en a, ça les arrange. Si je disparais, y'en a, ça les arrange. Je rentre chez WAM, j'annule le ventilo. Je trouve qu'il y a trop de vent. J'ai capté son iris, le regard en dit long. Peut-être que je serai pas moi dans un autre temps. Ça devient chiant de commencer mes phrases par des j'apostrophes. Je vide la Vostok, t'es comme des milliards d'aurores boréales. Mais la vie c'est moitié proba, moitié tirage au sort. Donc je vais gratter des lyrics, pas des tickets de la FDJ. J'suis dans tous les bails, moi j'suis posé avec mon Mac ou j'suis posé avec mes cheese. Donc je vais gratter des lyrics, pas des tickets de la FDJ. J'suis dans tous les bails, moi j'suis posé avec mon Mac ou pas de shit, y'a que Bouddha qui me fait léviter. Pas de hit, mais je peux débiter. Tu peux pas nous éviter, nous on graffite. Balèque de salir ta baie vitrée. Que ta coulant à l'acide et on gravite. Un stylo, une feuille et on ravite. Vous êtes mort dans un verre de pastis. Trop flou, je rentre à la marine là pour tuer les faf et les racistes. Y'en a marre de parler de la concu sous mes Nike. J'suis pas le meilleur, j'suis au max frère. J'soulève les potes, pas des haltères. Besoin de personne, j'peux vivre avec deux baffles et un hamster. J'vois la vie en grand, j'vois la vie en vrai. J'recommence le jeu du début si on perd. Mieux vaut vivre dans un sale monde que dans un petit enfer. Donc je vais gratter des lyrics, pas des tickets de la FDJ. J'suis dans tous les bails, moi j'suis posé avec mon Mac ou j'suis posé avec mes G. Gratter des lyrics, pas des tickets de la FDJ. J'suis dans tous les bails, moi j'suis posé avec mon Mac ou j'suis posé avec mes G. J'aime aucune des quatre saisons. Meilleur que toi pour un tas de raisons. Hein? Meilleur que toi pour un tas de raisons. J'passe mes journées à errer, à zoner, à voler comme si j'avais pas de maison. Je vais gratter des lyrics, pas des tickets de la FDJ. Yes! Paul Nord en live sur le 89.5 de Radio Dio.